le malheureux fonctionnaire alla chez le baron de Nucingen, auquel il ne devait plus qu'une somme insignifiante. Il réussit à lui emprunter 40 000 francs en engageant son traitement pour 2 années de plus. Mais le baron stipula que, dans le cas de la mise à la retraite de Hulot, la quotité saisissable de la pension serait affectée au remboursement de cette somme jusqu'à épuisement des intérêts et du capital. Cette nouvelle affaire fut faite, comme la première, sous le nom de Vauvinet, à qui le baron souscrivit pour 12 000 francs de lettres de change. Le lendemain, le fatal procès-verbal, la plainte du mari, les lettres, tout fut anéanti. Les scandaleuses promotions du sieur Marneff, à peine remarquées dans le mouvement des fêtes de juillet, ne donnèrent lieu à aucun article de journal.